descend de la rue. Descend de la rue. Reviens te chercher. Là où tu te caches, là où tu te caches, dans le château de ton égoïsme. Des murs de 10 mètres de haut, nos barbelés, tout électrifié. Des barreaux partout, partout, partout, des gardes armés. Toi le riche exagéré. Tu as tellement mauvaise conscience que tu t'es déjà mis en prison. Que tu t'es déjà mis en prison. Que tu t'es déjà mis en prison. Le sang de la rue, le sang de la rue. Reviens te chercher. Là où tu te caches, là où tu te caches, dans le château de ton égoïsme.